Cicéron, traduction en français sous la direction de Monsieur Nisard, professeur d'éloquence latine au Collège de France. Seconde Philippique. Par quelle fatalité singulière est-il arrivé, père conscrit, que depuis 20 années la République n'ait pas eu un seul ennemi qui ne m'ait dans le même temps déclaré la guerre? Il n'est pas besoin que je vous nomme personne. Ils sont tous présents à votre mémoire. Et leur fin déplorable m'a vengé plus que je ne l'aurais voulu. Antoine, j'admire qu'en les imitant, vous ne redoutiez pas le sort qu'ils ont éprouvé. Leur conduite envers moi n'avait rien qui dût me surprendre. Nul d'eux n'a cherché ma haine. Je les ai tous attaqués pour le salut de la République. Mais vous, que jamais je ne blessais d'une seule parole, afin de paraître plus audacieux que Catilina, et plus forcené que Claudius, vous m'avez de sang-froid provoqué par des injures, et vous avez pensé qu'une rupture avec moi serait un titre pour vous auprès des mauvais citoyens. Que dois-je croire? Qu'Antoine me méprise? Ni dans ma vie privée, ni dans mon existence politique, ni dans mes faibles talents, je ne vois rien qui puisse exciter ses mépris. S'est-il flatté que ses détractions seraient facilement accueillies dans le Sénat, dans cet ordre qui tant de fois a rendu à des citoyens illustres le témoignage qu'ils avaient bien gouverné la République, et qui n'a décerné qu'à moi seul l'honneur de l'avoir conservé? Est-ce un défi qu'il me porte? Et veut-il que nous fassions assaut d'éloquence? C'est être généreux, car enfin, quel sujet plus riche, quelle matière plus abondante, que d'avoir à parler pour moi et contre Antoine. Mais non, son vrai motif, c'est qu'il a cru que jamais il ne pourra persuader à ses pareils qu'il soit l'ennemi de la patrie, à moins qu'il ne se déclare le mien. Je commencerai par réfuter un de ces reproches qui me semble du genre le plus grave. C'est d'avoir manqué au devoir de l'amitié. Il s'est plaint qu'à je ne sais quelle époque j'ai plaidé contre ses intérêts. Et ne devrais-je pas défendre mon parent et mon ami contre un étranger? Ne devrais-je pas le soutenir contre une faveur qui était le prix, non des espérances que donne la vertu, mais de la plus affreuse dépravation? Ne devais-je pas combattre une injustice commise au mépris de redit du prêteur par le fait qu'une opposition coupable? Au reste, vous avez sans doute voulu par ce souvenir vous rendre recommandable à la dernière classe du peuple, en rappelant à tous que vous avez été le gendre d'un affranchi, et que les fils d'Antoine sont les petits-fils du ci-devant esclave Fadius. Mais vous vous étiez mis sous ma discipline, ce sont vos expressions. Vous aviez fréquenté ma maison. Certes, si vous l'aviez fait, votre réputation et vos mœurs y auraient gagné. Mais il n'en a rien été. Et quand vous l'auriez voulu faire, Curion ne l'aurait pas souffert. Vous dites m'avoir cédé vos droits à l'augurat. Quel excès inconcevable d'audace et d'impudence! Lorsque, sur le vœu du collège entier, je fus nommé par Pompée et Hortensius, car je ne pouvais l'être par un plus grand nombre. Vous étiez insolvable, et vous n'aviez d'espoir que dans le renversement de la République. D'ailleurs, pouviez-vous prétendre à cette dignité, Curion n'étant pas en Italie? Et quand vous avez été nommé, auriez-vous pu, sans Curion, emporter le suffrage d'une seule tribu? Ses amis même ont été condamnés comme coupables de violence, pour vous avoir servi avec un zèle trop ardent. Mais j'ai reçu de vous un bienfait. Quel bienfait? Ah, la reconnaissance ne fut jamais pour moi un sentiment pénible. Et j'ai mieux aimé avouer que je vous suis redevable que de laisser le moindre prétexte aux reproches d'ingratitude. Mais enfin, ce bienfait, quel est-il? Est-ce de ne m'avoir pas tué à Brindes? Le vainqueur lui-même, qui vous avait établi le chef de ces brigands, avait voulu que je vécusse. Je venais en Italie par son ordre, et vous auriez attenté à mes jours? Supposons que vous l'ayez pu. Votre bienfaisance était celle des brigands qui se vantent d'avoir donné la vie quand ils ne l'ont pas ôtée. Si ne pas ôter la vie est un bienfait, jamais les citoyens que vous nommez des hommes illustres n'auraient acquis une gloire aussi éclatante en faisant périr celui qui les avait laissés vivre. Quel bienfait que de vous être abstenu d'un crime si détestable! Certes, j'ai moins dû me féliciter de n'avoir pas péri sous vos coups que je n'ai dû gémir de ce que vous auriez pu m'égorger avec impunité. Que ce soit un bienfait, j'y consens, puisqu'on en peut recevoir un plus grand de la main d'un assassin. En quoi pouvez-vous m'accuser d'ingratitude? Ai-je dû, pour ne point paraître ingrat, ne pas déplorer la destruction de la République? Et dans cette plaine triste et douloureuse, mais commandée par le rang, où le Sénat et le peuple m'ont placée, m'est-il échappé une parole offensante contre vous? N'était-ce point partout le langage de la modération et de l'amitié? Quel ménagement grand Dieu, que de s'interdire l'invective en se plaignant d'Antoine, surtout lorsque vous aviez dissipé les dernières ressources de l'État, lorsque tout était mis à l'enchère dans votre maison. Lorsque de votre aveu, des lois non présentées au peuple ont été établies pour vous et par vous, lorsque vous aviez aboli les hospices étant augures, et l'opposition tributienne étant consul, lorsque vous étiez entouré d'une troupe d'odieux satellites, lorsqu'enfin, abruti par le vin et la débauche, vous profaniez par les plus affreux excès une maison jadis le sanctuaire de la vertu, et moi cependant, comme si j'avais à lutter contre Crassus, avec qui j'ai eu tant de grands démêlés, et non à combattre le plus vil gladiateur. J'ai déploré les malheurs publics sans rien dire de l'homme qui les a causés. Ah, je lui ferai sentir quelle reconnaissance il me devait pour une telle modération. Il a porté la grossièreté et l'oubli des bienséances jusqu'à vous lire une lettre qu'il disait avoir reçue de moi. Pour peu que l'on connaisse les procédés et les usages des honnêtes gens, s'avisa-t-on jamais, sous prétexte de quelque mécontentement, de publier et de lire la lettre d'un ami? Anéantir toute communication de pensée entre les amis absents, n'est-ce pas rompre les tiens de la société? Combien de plaisanteries dans une lettre paraîtront insipides si on les rend publiques? Combien de choses sérieuses qui dans aucun cas ne doivent être divulguées? Jusqu'ici, c'est de la grossièreté. Mais voyez l'étrange absurdité de sa conduite. En effet, que répondrez-vous, homme éloquent, s'il en faut croire Tiron et Mustella? Et moi aussi, comme eux, je vous tiendrai pour habile orateur. Si vous parvenez à prouver que ces hommes, qui dans cet instant même se montrent armés à la porte du Sénat, ne sont pas des assassins. Mais enfin, que répondrez-vous, si je vous dis que cette lettre n'est pas de moi? Par quelle preuve me convaincre? Par l'écriture? Vous êtes expert en écriture. Et cet art vous a beaucoup profité. Ici, votre science est en défaut. La lettre est de la main d'un secrétaire. Je porte envie à ce maître que vous avez si bien payé pour vous apprendre à n'avoir pas le sens commun. En effet, quel orateur, ou pour mieux dire, quel homme est assez absurde pour objecter un fait sur lequel on peut le réduire au silence par une simple dénégation. Je ne nie rien, et je veux, par cette lettre seule, vous convaincre à la fois de grossièreté et d'extravagance. En effet, y trouvera-t-on un mot qui ne soit une expression de politesse, d'amitié, de bienveillance? Mon seul tort est de ne point paraître avoir mauvaise opinion de vous, et de vous écrire comme un citoyen, à un homme d'honneur, et non comme à un scélérat et à un brigand. Vous m'avez donné le droit de lire vos lettres. Je n'imiterai pas votre exemple. Je ne produirai point celle par laquelle vous me priez de consentir au rappel d'un certain banni, en me donnant votre foi que vous ne ferez rien sans mon agrément. J'acquiesçais à votre demande. À quoi bon, en effet, m'opposer à votre audace, que ni le Sénat, ni le peuple, ni les lois ne pouvaient réprimer. Toutefois, quel besoin de me solliciter en faveur de cet homme s'il était rappelé par la loi de César? Vous vouliez sans doute qu'il m'eût obligation d'une faveur qui ne dépendait pas même de vous, la loi avait prononcée. Je vous prie, père conscrit, de m'écouter avec bonté dans le peu de mots que je me propose de vous dire pour moi. Quant aux détails plus longs que je vous donnerai sur Antoine, je promets que je mériterai toute votre attention. J'ai encore une autre faveur à vous demander. C'est de ne pas croire que je me sois oublié. Si en repoussant ces provocations, il m'arrive de répondre sur le même ton que lui et de sortir de cette modération que vous avez jusqu'ici remarquée dans toutes mes actions et dans tous mes discours. Je ne le traiterai pas en consul. Lui-même ne m'a pas traité en consulaire. Cependant, je le suis, sans que personne ne le conteste. Mais Antoine, est-il consul? Ses mœurs, son administration, la manière dont il a été nommé, tout proteste contre le titre dont il se pare. Afin qu'il ne vous reste aucun doute sur ses principes politiques, il m'a reproché mon consulat, c'est-à-dire le vôtre, père conscrit, car je n'ai rien décidé, je n'ai rien fait qui ne fût l'exécution des ordres et des délibérations du Sénat. Et vous avez osé, homme éloquent et judicieux, blâmer mon administration en présence de ceux dont les conseils et la sagesse ont dirigé toute ma conduite. Et qui jamais a blâmé mon consulat, excepté vous et Claudius, dont le sort sera le vôtre, comme il a déjà été celui de Curion, puisque vous avez dans votre maison ce qui leur a été fatal à tous les deux. Mon consulat ne plaît pas à Marc-Antoine, mais il a plu à Servilius, que je nomme le premier des consulaires de ce temps-là, parce que c'est celui dont la perte est la plus récente. Il a plu à Catulus, dont l'autorité vivra toujours dans cette république. Il a plu aux deux Lucullus, à Crassus, Hortensius, Curion, Lépidus, Pison, Glabrion, Volcassius, Figutus, enfin à Silanus et à Murena, qui étaient alors consuls désignés. Au suffrage des consulaires s'est joint celui de Caton, qui par une mort généreuse s'est affranchi de bien des maux et surtout de l'horreur de vous voir consul. Mais celui qui m'honora de l'approbation la plus signalée, ce fut Pompée. Dès qu'il m'aperçut, à son retour de Syrie, il se jeta dans mes bras et me comblant de félicitations, il déclara que sans moi, il n'aurait pas revu sa patrie. Mais pour ne pas les nommer tous en détail, le Sénat entier applaudit à ma conduite, et parmi tant de sénateurs, il n'en était pas un seul qui ne me rendit grâce comme à un père, et qui ne crut me devoir sa vie, ses enfants, ses biens, la République. Cependant, puisque la patrie est privée de ces grands citoyens que je viens de nommer, attestons les deux consulaires qui restent, seuls, d'un si grand nombre. Cotta, de qui la prudence égale le génie, vota dans les termes les plus honorables, des actions de grâce aux dieux pour les faits mêmes que vous blâmez, et les consulaires que j'ai cités, et avec eux le Sénat entier adoptèrent son avis. Cet honneur, depuis que Rome existe, ne fut jamais déféré à un citoyen qui n'avait pas quitté la toge. Avec quelle éloquence, avec quelle fermeté, avec quelle énergie César, votre oncle, opina-t-il contre le mari de sa sœur, votre beau-père. Voilà l'homme que vous deviez prendre pour modèle et pour guide. Vous avez mieux aimé ressembler à votre beau-père qu'à votre oncle. Étranger à sa famille, je me suis fait un devoir de suivre ses conseils pendant mon consulat. Mais vous, le fils de sa sœur, l'avez-vous en rien consulté sur les affaires publiques? Et quels sont les hommes qu'il consulte, grand Dieu? Ce sont ceux dont il ne rougit pas de célébrer la fête avec tant de bruit et de scandale. Antoine ne paraît pas aujourd'hui. En savez-vous la cause? Il fête dans ses jardins la naissance d'un. Je ne nommerai personne. Imaginez que c'est d'un Formion, d'un Gnaton, d'un Ballion. Honteux avilissement. Excès monstrueux d'impudence, de dépravation, de débauche. Vous, Antoine, proche parent d'un des chefs du Sénat, d'un grand citoyen, vous ne le consultez en rien sur les affaires de l'État. Vous lui préférez des misérables qui n'ont rien et qui dévorent ce que vous avez. Oui, sans doute, votre consulat sauve borne et le mien l'a perdu. En renonçant à la vertu, avez-vous donc abjuré toute pudeur? Pour parler comme vous le faites, dans le temple où je consultais ce Sénat qui jadis donnait des lois au monde, et où vous avez établi une armée de bandits. Vous avez osé dire, car de quoi n'êtes-vous pas capable, que sous mon consulat, les avenues du Capitole ont été remplies d'esclaves armés. Sans doute je violentais le Sénat pour lui arracher ses funestes décrets. Que vous les ignoriez, car vous ne connaissez rien de bon, ou que vous en ayez entendu parler. Vous êtes un misérable de tenir ici cet impudent langage. En effet, quel chevalier, quel noble, excepté vous, quel homme peut, pour peu qu'il tînt à l'honneur d'être citoyen, quand le Sénat était assemblé dans ce temple, ne courut pas au Capitole et ne s'empressa de s'y faire inscrire. Ni les greffiers ni les registres ne pouvaient suffire à recevoir les noms de ceux qui se présentaient. Des parricides convaincus par les déclarations de leurs complices, par leur propre écriture, par le témoignage de leurs lettres, avouaient qu'ils avaient formé le projet de brûler Borne, d'égorger les citoyens, de dévaster l'Italie, d'anéantir la République. Qui donc n'aurait pas volé avec ardeur à la défense commune, surtout dans un temps où le Sénat et le peuple romain avaient à leur tête un chef qui déjà vous aurait fait subir la même peine s'il avait la même autorité? Il dit que j'ai refusé de remettre le corps de son beau-père pour qu'on lui donnât la sépulture. C'est ce que Claudius lui-même n'a jamais reproché. Je vois avec douleur que vous avez surpassé, dans tous les genres de vices, un homme qui m'était si justement odieux. Mais comment vous est-il venu dans la pensée de nous remettre en mémoire que vous fûtes élevé dans la maison de Lentulus? Aviez-vous peur qu'on ne crût que la nature seule n'aurait pu vous faire aussi méchant sans les leçons d'un tel maître? Mais telle est votre extravagance, que dans votre discours, vous vous êtes montré partout en contradiction avec vous-même. Les choses que vous avez dites non seulement étaient sans liaison et sans suite, mais elles se combattaient et se détruisaient les unes les autres, et vous sembliez encore moins d'accord avec vous qu'avec moi. Vous conveniez que votre beau-père était un des conjurés, et vous vous plaigniez qu'il eût été puni. Ainsi, vous avez loué ce qui était de moi, et vous avez blâmé ce qui fut l'ouvrage du Sénat. Car si j'ai saisi les coupables, c'est le Sénat qui les a punis. L'habile orateur ne sent pas qu'il loue celui qui l'accuse, et qu'il blâme les juges qui l'écoutent. Comment caractériser ces inculpations au sujet du Capitole? Je ne dirais pas que c'est de l'audace, ce serait flatter sa vanité. Mais ce qui lui déplaira beaucoup, je dirais que c'est de la stupidité. Et sous ce rapport, il n'est personne qui l'égale. Quoi? Parler des avenues du Capitole quand des hommes armés remplissent les bancs des sénateurs, et que de farouches soldats occupent ce temple de la Concorde, où pendant mon consulat ont été rendus des décrets salutaires sans lesquels nous ne serions plus. Accuser le Sénat, accuser l'ordre équestre qui s'unit alors intimement avec le Sénat, accuser tous les ordres, tous les citoyens, pourvu que vous ne conveniez qu'au moment où je parle, le Sénat est entouré de soldats ityréens. Non, ce n'est pas votre audace qui vous fait parler avec tant d'impudence, mais votre stupidité vous empêche d'apercevoir de telles contradictions. Quoi de plus contraire au bon sens que de me reprocher d'avoir pris les armes pour sauver la patrie, quand vous les avez prises vous-même pour la détruire? Dans un endroit de votre discours, vous avez voulu être plaisant. Bon Dieu! Que vous aviez mauvaise grâce. Il y a un peu de votre faute. La comédienne, votre épouse, aurait dû vous former au ton de la plaisanterie. Que les armes cèdent à la toge. Eh bien, les armes, alors, n'ont-elles pas cédé à la toge? Mais depuis, la toge a cédé à vos armes. Cherchons quel a été le plus grand mal pour l'État, ou que les armes des scélérats aient cédé à la liberté du peuple romain, ou que votre liberté ait succombé sous vos armes. Mais je ne veux point justifier mes vers. Je dirai seulement en deux mots que la poésie ou toute autre espèce de littérature vous sont absolument étrangères, et que moi, sans avoir jamais négligé les affaires de l'État ni celles de mes amis, j'ai consacré mes loisirs à des compositions de tous les genres, afin que mes veilles et mes études ne fussent pas sans quelque utilité pour l'instruction de la jeunesse, et même pour la gloire du peuple romain. Passons à des objets plus importants. Vous avez dit que Claudius a été tué par mon conseil. Que penserait-on s'il avait perdu la vie, lorsque dans le forum, aux yeux de tout le peuple, vous le poursuivîtes l'épée à la main et qu'il ne put échapper à la mort qu'en se cachant dans l'escalier d'un libraire où il se retrancha contre vous? Que j'ai alors formé des vœux pour vous, je ne le nie pas. Que je vous ai conseillé, vous-même n'osez le dire. À l'égard de Milon, il ne m'a même pas été possible de le seconder par mes vœux. Il avait terminé son entreprise avant qu'on le soupçonnât de l'avoir conçue. Mais j'en avais donné le conseil. Sans doute, Milon n'était pas capable de servir la République de lui-même et sans être conseillé. Mais je me suis réjoui. Fallait-il donc que seul je montrasse de la tristesse au milieu de l'allégresse universelle? Au surplus, une commission fut nommée pour informer sur la mort de Claudius. Elle était assez inutile, puisque nous avions des tribunaux établis par les lois. Quoi qu'il en suit, les informations furent faites. Et ce que nul n'a jamais imputé pendant l'instruction du procès, vous seul venez me le reprocher après tant d'années. Quant à ce que vous osez direct, même très longuement, que c'est moi qui ai brouillé Pompée avec César, et qu'ainsi j'ai été la première cause de la guerre civile. Les faits en eux-mêmes ne sont pas dénués de vérité, mais ce qui est bien essentiel, vous avez confondu les époques. Sous le consulat du vertueux Bibulus, je n'ai rien omis. J'ai même fait tous mes efforts pour détacher Pompée de César. Celui-ci fut plus heureux que moi, car il m'enleva l'amitié de Pompée. Mais après que Pompée se fut livré tout entier à César, pourquoi aurais-je essayé de les désunir? Il y aurait eu autant de folie à l'espérer que d'impudence à l'entreprendre. Toutefois, il s'est présenté deux circonstances où j'ai donné à Pompée quelques conseils contre César. Blâmez-moi si vous pouvez. Dans la première, je lui conseillais de ne pas laisser proroger à César le commandement pour 5 ans. Dans la seconde, de ne pas souffrir qu'il pût demander le consulat étant absent. Si Pompée eût voulu suivre l'un ou l'autre de ses conseils, nous n'aurions pas éprouvé autant de malheurs. Dès qu'une fois il eut remis à César ses forces et celles de la République, dès qu'il eut commencé à sentir la vérité de tout ce que j'avais prédit, et que j'aperçus que la patrie allait être déchirée par une guerre impie, je ne cessai de lui parler de paix, de concorde et de conciliation. Plusieurs ont entendu ces paroles que je lui adressai. Plutôt Dieu, Pompée, que vous n'eussiez jamais formé une alliance avec César, ou que vous ne l'eussiez jamais rompue. Il était de votre dignité de ne pas la contracter, et de votre prudence de ne pas la rompre. Antoine, tels ont toujours été mes principes de conduite par rapport à Pompée et à la patrie. Si l'on m'avait écouté, la République subsisterait encore, et vous, vous auriez succombé sous le poids de la misère et du crime. Ces faits sont anciens. Voici quelque chose de nouveau. C'est par mon conseil que César a été tué. Ici, père conscrit, je redoute le plus honteux des reproches. Je crains de paraître avoir aposté un accusateur, afin qu'il me prodigue non seulement les éloges que je mérite, mais les louanges qui appartiennent aux autres. En effet, a-t-on entendu prononcer mon nom parmi ceux de ces nobles conspirateurs? Est-il un seul de ces noms qu'on ait voulu taire, et qui n'ait été à l'instant même proclamé par toutes les bouches? Ah, loin que personne ait cherché à s'en défendre. Plusieurs ont voulu se faire honneur d'une entreprise à laquelle ils n'avaient point concouru. Quelle vraisemblance que parmi tant d'hommes obscurs, que parmi tant de jeunes gens incapables du secret, mon nom ne soit échappé à personne. Si les hommes qui conçurent ce généreux dessein avaient besoin de conseils, était-ce à moi d'inspirer les deux Brutus, qui sans cesse avaient sous les yeux l'image de Brutus? L'un d'eux avait de plus celle de Servilius. Issus de tels ancêtres, auraient-ils consulté des étrangers plutôt que leurs aïeux? Auraient-ils cherché au dehors ce qu'ils avaient au sein de leur famille? Cassius, né d'un sang qui ne put jamais supporter la domination, ni même le pouvoir d'aucun citoyen, Cassius, avait-il besoin de mes conseils? Lui qui seul et sans le secours de ces hommes illustres aurait frappé d'un grand coup en Cilicie, aux bouches du Cydnus, si le tyran n'eût trompé son attente en abordant sur la rive opposée? Ce n'est donc ni la mort d'un père, ni celle d'un oncle, ni la spoliation de ses dignités. C'est l'ascendant de mes conseils qui a déterminé Domitius à recouvrer la liberté. Est-ce moi qui ai persuadé à Trébonius ce que je n'aurais même pas osé lui proposer? La République doit lui savoir d'autant plus gré de ce qu'il a préféré la liberté romaine à l'amitié d'un homme, et mieux aimé renverser la tyrannie que de la partager. Tilius Cimber a-t-il agi d'après mes conseils? Je n'attendais pas de lui un tel effort, et je l'ai vu avec admiration oublier les bienfaits de César pour ne songer qu'à la patrie. Et les deux Servilius, j'oserais dire les deux Ahala, pensez-vous qu'ils aient été excités par mes conseils plutôt que par leur amour pour la République? Il serait trop long de citer ici tous les autres. Il est beau pour la patrie, il est glorieux pour eux-mêmes qu'ils se soient trouvés en aussi grand nombre. Rappelez-vous de quelle manière cet homme subtil a prétendu me convaincre. Aussitôt que César eut été tué, vous a-t-il dit, Brutus, et levant son poignard ensanglanté, proféra le nom de Cicéron et le félicita du rétablissement de la liberté. Pourquoi moi préférablement à tout autre? Est-ce parce que j'étais dans la confidence? Ne serait-ce pas plutôt parce que Brutus, ayant imité ce que j'avais fait autrefois, crut devoir me prendre à témoin qu'il aspirait à la même gloire que moi? Et vous, les plus stupides des mortels, vous ne comprenez pas que si c'est un crime d'avoir voulu la mort de César, ainsi que vous me le reprochez, c'est un crime aussi de s'être réjoui de sa mort. En effet, quelle différence entre conseiller une action et l'approuver? Que j'aie voulu sa mort ou que je m'en sois réjoui, n'est-ce pas la même chose? Or, excepté vous et ceux qui avaient intérêt à ce que César régnât, est-il un seul homme qui n'ait voulu que César fût tué ou qui ait approuvé sa mort? Tous sont donc coupables, car autant qu'ils l'ont pu, tous les honnêtes gens ont tué César. Les moyens ont manqué aux uns, la résolution aux autres, l'occasion à plusieurs, la volonté n'a manqué à personne. Mais remarquez l'inconcevable stupidité du personnage. Voici ses propres expressions. L'honorable Brutus, levant son poignard ensanglanté, s'écria « Cicéron !» Donc, Cicéron était complice. Ainsi, vous me traitez d'assassin, moi que vous soupçonnez d'avoir eu quelques soupçons, et celui qui montrait un poignard dégouttant de sang, vous l'appelez un homme d'honneur? Si les expressions sont absurdes, la conduite et les sentiments le sont encore plus. Consul, décidez enfin ce que vous voulez que l'on pense des deux Brutus, de Cassius, de Domitius, de Trébonius et des autres. Sortez de votre ivresse, réveillez-vous. Faut-il vous appliquer un fer chaud pour vous tirer de votre assoupissement dans une affaire aussi importante? Ne comprenez-vous pas enfin que vous avez à déterminer si les auteurs de cette action sont des assassins ou les vengeurs de la liberté? Soyez capable d'un instant d'attention et pour une fois du moins, pensez comme un homme qui n'est pas ivre. Moi qui m'avoue leur ami, moi que vous nommez leur complice, je dis qu'il n'y a pas ici de milieu. S'ils ne sont pas les libérateurs du peuple romain et les conservateurs de la République, je conviens qu'ils sont plus que des meurtriers, plus que des assassins, plus que des parricides, puisque c'est un crime plus atroce de tuer le père de la patrie que de tuer son propre père. Homme sage et réfléchi, répondez. S'ils sont des parricides, pourquoi avez-vous toujours parlé d'eux en termes honorables, soit dans le Sénat, soit devant le peuple romain? Pourquoi sur votre rapport, Brutus a-t-il été dispensé des lois qui lui défendaient de s'absenter plus de 10 jours? Pourquoi les jeux apollinaires ont-ils été célébrés avec tant de magnificence au nom de Brutus? Pourquoi des provinces ont-elles été données à Cassius et à Brutus? Pourquoi a-t-on augmenté pour eux le nombre des questeurs et des lieutenants? Et tout cela s'est fait par vous. Ils ne sont donc pas des assassins. Par conséquent, ils sont, d'après vous-même, les libérateurs de Borne, car je le répète, il n'y a pas de milieu. Et quoi, ce raisonnement porterait-il le trouble dans vos idées? Peut-être, en effet, n'entendez-vous pas les choses le plus clairement énoncées. Quoi qu'il en soit, voici ma conclusion. Dès lors que vous les avez reconnus innocents, ils ont été jugés par vous-même dignes des plus grandes récompenses. Je change donc de langage, et je leur écrirai que lorsqu'on leur demandera si ce que vous m'avez reproché est vrai, ils se gardent de nier. Car je craindrais qu'il ne fût peu honnête pour eux de s'être cachés de moi, ou qu'il ne fût honteux pour moi de m'être refusé à leur invitation. En effet, j'en atteste le maître des dieux, a-t-on jamais vu, non seulement dans Borne, mais dans le monde entier, une action plus grande, plus glorieuse, plus digne de vivre dans la mémoire des siècles? Vous m'associez à cette belle entreprise. Vous m'enfermez dans le cheval de Troie avec les héros de la Grèce. Quel que soit votre motif, je vous rends grâce. L'action est si grande que la haine que vous voulez exciter contre moi n'est rien au prix de la gloire dont elle me couvrirait. Quel sort plus heureux que celui des citoyens mêmes que vous voulez glorifier d'avoir banni et chassé de Borne? Quelque part qu'ils abordent, est-il un lieu si désert, une contrée si sauvage, où l'on ne s'empresse d'accueillir ces illustres exilés? Quels hommes assez barbares ne regarderont pas leur présence comme le plus précieux de tous les biens? La postérité la plus reculée ne les oubliera jamais, et la reconnaissance des lettres consacrera leur gloire à l'immortalité. Ah, placez-moi sur cette liste honorable! Ma seule crainte est qu'on ne refuse de vous croire. En effet, Si je m'étais concerté avec eux, j'aurais non seulement frappé le tyran, mais exterminé la tyrannie. Croyez-moi, si cet ouvrage eût été le mien, je ne me serais pas contenté d'un seul acte. J'aurais conduit la tragédie jusqu'à son dénouement. Que dis-je? Si c'est un crime d'avoir voulu que César fût tué, que doit-on penser de vous-même, Antoine? On sait que vous en aviez formé le projet à Narbonne, avec Trébonius. On sait que c'est pour cette raison seule que nous avons vu Trébonius vous tirer à l'écart pendant que César recevait la mort. Voyez si je vous traite en ennemi. Je vous loue pour avoir une fois, en votre vie, formé un bon dessein. Je vous rends grâce de ne l'avoir pas révélé, et je vous pardonne de ne l'avoir pas exécuté. L'exécution demandait un homme. Si l'on vous citait devant les tribunaux, si l'on invoquait contre vous ce mot de Cassius, à qui l'action a-t-elle profité? Vous seriez dans un grand embarras. Il est bien vrai, comme vous le disiez, que la mort de César a été utile à quiconque ne voulait pas être esclave. Mais nul n'en a plus profité que vous qui régnez aujourd'hui, que vous dont le temple de Cybèle a payé toutes les dettes, vous qui, à l'aide des registres déposés dans ce temple, avez dissipé des sommes incalculables. Vous chez qui tant de richesses ont été transportées du palais de César, vous, enfin, dont la maison est devenue une fabrique inépuisable de faux registres et de faux titres, un marché où se fait un trafic honteux des terres, des villes, des immunités et des revenus de l'État. Quel autre événement que la mort de César pouvait subvenir à vos dettes et à vos indigences? Vous semblez vous troubler. Craignez-vous que cette mort ne vous soit imputée? Rassurez-vous, on ne le croira pas. Ce n'est pas à vous qu'il appartient de bien mériter de la République. Rome reconnaît les plus illustres citoyens pour auteurs de cette action immortelle. Je dis seulement que vous vous en réjouissez. Je ne vous l'attribue pas. J'ai répondu aux accusations les plus graves. Il faut encore répondre aux autres. Vous m'avez reproché le camp de Pompée et tout ce que j'ai fait à cette époque. Je l'ai déjà dit. Si dans ce temps l'autorité de mes conseils avait prévalu, vous seriez aujourd'hui dans la misère. Nous serions libres et la République n'aurait point perdu tant de généraux et d'armées. J'avoue que, prévoyant les maux qui sont arrivés, j'en avais conçu tout le chagrin qu'auraient éprouvé les autres bons citoyens s'ils les avaient pressentis comme moi. Oui, père conscrit, j'étais pénétré de douleur en voyant qu'une république, sauvée autrefois par votre sagesse et par mes soins, allait en peu de temps être anéantie pour jamais. Et ce n'était pas la crainte de la mort qui abattait mon courage. J'avais trop d'expérience pour ne pas sentir que la vie ne serait plus pour moi qu'une source d'amertume, et qu'en la perdant je serais affranchi de chagrins sans nombre. Je voulais conserver ces grands citoyens, l'honneur et l'ornement de la République, tant d'hommes honorés du consulat et de la prétoire, tant d'illustres sénateurs, la fleur de la noblesse et de la jeunesse romaine, nos armées composées des meilleurs citoyens. S'ils vivaient, à quelque prix qu'on eût acheté la paix, car la paix, quelle qu'elle fût, me semblait préférable à la guerre civile. La République existerait encore, si mes conseils avaient été suivis, et que séduit par de nobles espérances, ce que je voulais conserver, ne s'y fussent pas opposés. Il en serait du moins résulté cet avantage, que ni le Sénat, ni Rome ne seraient souillés par votre présence. Mes discours, dites-vous, indisposaient Pompée contre moi. Et quel autre a été plus chéri de Pompée? De quel autre a-t-il plus souvent recherché les entretiens et les conseils? Une chose vraiment admirable, c'est que la différence de nos opinions politiques n'a jamais altéré notre amitié. Nous connaissions tous deux nos sentiments et nos projets. Je voulais qu'avant tout on assurât le salut des citoyens. Ils pensaient que l'honneur du parti devait être le premier de ses soins. Comme nos intentions étaient également pures, nul de nous n'avait à rougir en présence de l'autre. Ceux qui l'ont suivi de Pharsale à Paphos savent que cet homme rare et presque divin a pensé à moi. Jamais il ne prononça mon nom qu'avec honneur, et avec tous les regrets, de la plus tendre amitié. Il convenait qu'il avait plus espéré, mais que j'avais mieux vu. Et vous osez m'outrager au nom de ce grand homme dont je fus l'ami et dont vous avez envahi la dépouille. Ne parlons plus d'une guerre où vous fûtes trop heureux. Je ne veux pas même justifier les plaisanteries dont vous me faites un crime. Le camp de Pompée était en proie aux inquiétudes. Mais au milieu même des alarmes, n'est-il pas dans l'humanité de chercher à se distraire un moment? D'ailleurs, me reprocher à la fois et mon affliction et mon enjouement, c'est prouver que dans l'un et dans l'autre, j'ai eu le mérite de la modération. Vous assurez que personne ne me fait héritier. Plût au ciel que cela fût vrai. Un plus grand nombre de mes amis et de mes parents vivraient encore. Mais comment avez-vous imaginé de m'adresser ce reproche? À moi qui ai reçu en héritage plus de 20 millions de sesterces. Je conviens qu'à cet égard, vous avez été plus heureux. Or, mes amis, personne ne m'appela jamais à sa succession. Et cet avantage, si c'en est un, a toujours été mêlé d'un sentiment de regret et de douleur. Mais vous, un homme que vous n'avez jamais vu, Rubrius de Casinum, vous a fait son héritier. Vraiment, il faut qu'il vous ait bien chéri, cet homme, qui, ne sachant pas si vous étiez noir ou blanc, a écarté les fils de Fufius, son frère et son ami. Ce neveu qu'il avait toujours annoncé comme son héritier, il n'en a fait pas même mention dans son testament. Et vous, qu'il ne vit jamais, à qui du moins il ne parla de sa vie, il vous a légué tous ses biens. Dites-moi, de grâce, quelle était la figure de Turcellus? Quelle était sa taille? Son municipe, sa tribu? Je ne connais de lui, direz-vous, que les terres qu'il m'a laissées. Ainsi donc, il déshéritait un frère pour vous léguer toute sa fortune. Il est encore beaucoup d'autres familles dans lesquelles Antoine s'est substitué aux héritiers légitimes. Au reste, ce qui m'a paru le plus inconcevable, c'est qu'il ait osé parler d'héritage, après avoir renoncé lui-même à la succession de son père. Oh, le plus insensé des hommes! Est-ce donc pour amasser toutes ces injures que vous avez déclamé tant de jours dans une campagne qui n'est pas à vous? Il est vrai, s'il faut en croire vos amis intimes, vous le faites pour dissiper les fumées du vin et non pour exercer votre esprit. Vous tenez auprès de vous un bouffon qu'à votre exemple vos compagnons de table appellent un rhéteur. Il a droit de dire sur vous tout ce qui lui plaît. C'est un fin railleur, cet homme-là. Certes, la matière est riche. Ah, combien vous différez de votre aïeul! Il disait avec poids et mesure ce qui pouvait servir à sa cause, et vous vous dites inconsidérément les choses les plus étrangères à la vôtre. Et cependant, quel énorme salaire a été payé à ce rhéteur! Écoutez, père conscrit, et connaissez la profondeur des blessures de la République. 2000 arpents dans les plaines des Léontins ont été assignés au rhéteur Sextus Claudius. Et ces 2000 arpents, affranchis de tout droit. Voilà ce qu'il a reçu pour vous apprendre à ne dire que des sottises. Homme audacieux, cette concession a-t-elle été trouvée aussi dans les mémoires de César? Mais je parlerai ailleurs de ces terres et de celles de Campanie dont il a dépouillé la République pour en faire la propriété des hommes les plus diffamés. Maintenant que j'ai répondu à toutes ces inculpations, il faut enfin que je parle aussi de mon censeur, de cet austère réformateur de ma conduite. Je n'épuiserai pas mon sujet. Je veux, s'il faut revenir plusieurs fois à la charge, comme il le faudra sans doute, me présenter toujours avec quelque chose de nouveau. La multitude de ses vices et de ses crimes m'en garantit les moyens. Voulez-vous, Antoine, que je vous examine depuis votre enfance? Je le veux bien. Commençons par votre défaut. Vous souvient-il qu'avant de quitter la prétexte, vous aviez abandonné vos biens à vos créanciers? C'est, direz-vous, la faute de votre père. J'admets cette excuse. Aussi est-elle une preuve de piété filiale. Mais ce qui ne peut être imputé qu'à vous, c'est que vous vous êtes effrontément assis dans le 14e premier banc, quoique la loi Rossia ait assigné des places aux banqueroutiers. Dût-on imputer leur malheur à la fortune et non à leur inconduite? Vous prîtes la robe virile qui devint aussitôt sur vous la toge d'une prostituée. Vous étiez à qui voulez-vous payer? Le tarif était réglé. Il en coûtait fort cher. Mais bientôt intervint Curion, qui vous retira du commerce. Il vous prit à lui et vous fit un sort. Jamais esclave acheté pour les plaisirs ne fut au service de son maître autant que vous au service de Curion. Combien de fois son père vous mit-il hors de sa maison? Combien de fois plaça-t-il des gardiens pour vous en interdire l'entrée? Tout fut inutile. La nuit devint l'auxiliaire de la débauche. Entraîné par le besoin du libertinage et de l'argent, vous vous faisiez descendre par le toit. La famille ne put supporter longtemps ces affreux débordements. Vous savez que je suis parfaitement instruit de tout. Rappelez-vous le temps où Curion, le père, était dans son lit, malade de chagrin. Son fils, se jetant à mes pieds et fondant en larmes, vous recommandait à moi. Il me priait de m'intéresser à vous, si, pour faire payer les 6 millions de sesterces dont il s'était rendu caution, son père voulait faire contre vous quelque poursuite. Ce malheureux jeune homme, subjugué par une indigne passion, protester qui s'exilerait plutôt que de renoncer à vous voir. J'apaisai pour lors les douleurs de cette respectable famille, ou plutôt j'en tarie la source, en persuadant au père d'acquitter les dettes de son fils, de faire quelques sacrifices, afin de tirer d'embarras un jeune homme dont le caractère et les talents donnaient les plus belles espérances, et d'user du pouvoir paternel pour rompre toute liaison et même toute communication entre son fils et vous. Quand vous savez que tout cela s'est fait par moi, oseriez-vous oser me provoquer par vos outrages si vous n'aviez confiance dans les glaives qui brillent autour de nous?